c'était autre chose, y'a que du gros c'est Cali. J'peux pas citer autre chose que la rue, j'en suis un camé. Il ouvre trop sa bouche, sur moi je le laisse parler. Mais quand il va voir le kebouche dans sa harpa, je lui en calune. Calme, j'suis dans deux brossomba, il est mon séba. On sait tout ce qu'il fait, quoi on fait, juste genre on sait pas. Non, c'est par pas quand en promenade, poteau spectacle, coup de céramique ou coup de spade. Pour la mif, je connais pas ce bar, c'est par où. Je m'arrête pas tant que j'ai le par où. Promenade, ça bosse les pas où. Mais dehors, par le temps de mettre KO. Combien bouillonne en grotte avec la soif, t'as pas car chez KO. A chaque jour, suffit sa peine ici, chaque jour ton baron. Baron, tout le monde veut l'être, mais combien donneront pour éviter les barreaux. Et les plus rancuniers pour t'arroser, ils mettront tarot. Dehors, c'est tendu, ça s'entretue, chacun son tour. Les temps sont tendus, que la pénurie a fait naître des rocancours. La banlieue va nous être, pur produit de la banlieue ouest. Bon vieux, je suis trappé dans bloqué, faut pas qu'un million d'égo. Ils font les dingues, pourtant ils ont peur du Hebs. Nous les dés sont commis sur rogatoire, même en mandat dépôt. Tête mes cradjas condamnés, mais je les reprends. Je suis dans le bendo, je fais les compter, on est bon. Ils font les dingues, pourtant ils ont peur du Hebs. Nous les dés sont commis sur rogatoire, même en mandat dépôt. Je suis dans les gros sous, pourtant j'ai pas percé. Pas pressé parce que dans le coin sombre, je rends plus ton rappeur rincé. Comprends que je suis coincé, je suis trempé dedans. C'est embêtant, mais le bendo me rapporte chaque jour des sommes conséquentes. Fermez les portes, je pose les pintes, c'est 4 kamikas. On met sicario, on se mélange pas, c'est la Corsica. Corsés sont les joints pour canaliser ce train de vie. On vise des sommes très élevées, donc on poursuit la crave bi. J'ai grave le mort dans le fond, bon vieux jeunesse passé au hep. Parce qu'on est du genre à risquer les assiettes pour pas finir en hess. On veut plus voir les SS, s'il faut réti, on réti. À découvert de SNS, donc chaque jour faut se repentir. Bon vieux depuis la tétine, à mes semblables j'dédie. Et c'est jamais devant toi qu'une grosse salope confirmera ses dires. Moi j'étais pas dans le city, j'étais juste devant un pire à la frappe. J'suis mauvais, à qui la faute, bon vieux comme Valfour ou le franc. La banlieue va nous être. Pur produit de la banlieue ouest. Bon vieux, j'suis trempé dans bloqué, faut pas qu'un million d'égo. Ils font les dingues, pourtant ils ont peur du Hebs. Nous les dés sont commis sur rogatoire, même en mandat dépôt. Tête mes cradjas condamnés, mais j'les reprends. J'suis dans le bendo, j'fais les compter, on est bon. Ils font les dingues, pourtant ils ont peur du Hebs. Nous les dés sont commis sur rogatoire, même en mandat dépôt. Ego, j'ai pas changé, ça conserve frigo. Pas le même vécu, j'écoute pas ces petits cons rigolos. À ma sortie, combien sont devenus verts piccolo. Les jaloux vont maigrir jusqu'à Mykonos. Bon vieux, tes rêves. C'est nous les braves, c'est eux les traves. Si t'es autre chose, y'a que du gros c'est Cali. Et si je passe à autre chose, c'est que je suis bien calé. Sous commission rogatoire, ça tire les ficelles du fictra. Bon vieux, à toutes les cités de France.